bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous trouvez que ma voix est un petit peu enrouée, c'est normal. Il m'en reste encore un petit peu. Je vais essayer de prendre des grogs avec du rhum ou du whisky et du miel. Mais surtout du rhum. Non, je rigole. Tout va bien. Puis il faut le faire avec modération, de toute façon. Et donc, ça va aller. Je pense que ça va aller. L'album de la semaine de cette 552e édition de la saga des Fab Four, c'est Coming Up de Paul McCartney en 1980. On écoutera Coming Up. Il y aura également Nobody Knows, Waterfalls, Summer Days Song, Boogie Music et One of These Days. Mais on ne s'arrêtera pas là puisqu'il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Remember en 1970 sur Plastic Ono Band. Pour Harrison, ce sera If Not For You, composé par Bob Dylan sur All Things Must Pass. Et puis, Ringo Starr nous poussera la chanson... Je reprends. Ringo Starr nous poussera la chansonnette avec Snookeroo sur Goodnight Vienna en 74. Quant aux Beatles, on démarrera avec Magical Mystery Tour. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. On se retrouve sur le groupe Facebook qui a encore plus de membres, de plus en plus. On en est à 1030. Bravo, merci à vous tous et toutes. Et on se retrouve dans le topic et tout en haut, avec un petit Paul McCartney qui nous fait Coming Up dans quelques instants. John Lennon a eu le temps d'entendre ce 45 tours de Coming Up et il avait dit que c'était de l'excellent travail, monsieur Paul McCartney. Not for you.

Apple Records and Tapes. Thanks, John. It's a pleasure, Ringo. Et oui, Ringo et John Lennon qui se font un petit coup de pub, enfin surtout John Lennon qui fait un coup de pub à Ringo en 1974. Nous avons écouté déjà Paul McCartney avec Coming Up, John Lennon avec Remember à l'instant, enfin un petit peu auparavant plutôt, If Not For You par George Harrison, et puis Snookeroo par Ringo Starr. Avant d'écouter les Beatles, il faut vous rendre sur le meilleur site pour tout savoir sur les Beatles. Ce site, c'est le site de Lovely Rita. Oui, mais vous allez me dire, qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde. Et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com, 24h sur 24, 7 jours, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga, Big Papa. Let's go. For a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime, and that's just what he gets, the incredible magical mystery tour. C'est un petit peu plus court, mais je vous ai proposé la version du film. J'avais envie de vous proposer ça. Voici l'album de la semaine, Nobody Knows, Paul McCartney sur RIG. No! rappeler que hein, c'était les années 80, enfin le début des années 80, et bah, c'était un petit peu dans le style ça, hein, et puis c'est surtout fait tout seul. C'est Paul McCartney qui a décidé, en 1970, il met fin aux Beatles, il sort McCartney. En 1980, c'était pas encore complètement ça, hein. Il a voulu démarrer une tournée au Japon qui a raté parce qu'on lui a trouvé du cannabis dans les valises, des trucs comme ça. Il a fait un petit peu de prison. Et puis, du coup, tournée annulée. Du coup, allez, repartez chez vous. Mais, oh tiens, bah, puisque je m'ennuie, je vais faire un petit quelque chose. Et il sort cet album-là avec, puisque l'album d'après, Tug of War, il y a un peu d'Annie Lane dedans, etc. Même si ça ne sort plus sous le nom des Wings. Peut-être qu'il s'est dit, allez... 1970, McCartney, 1980, McCartney 2, 1990, on sortira McCartney 3. Il a attendu un petit peu quand même, mais bon, c'est comme ça. Alors c'est une version raccourcie, on a la montée des cordes de A Day in the Life, on a l'intro de Hard Day's Night et le solo de batterie de The End sur cette chanson-là. Et si je vous en propose une autre, qu'est-ce que ça va donner ? Yeah. together right now over me. Fallait oser, hein. C'était en 2006 pour le Cirque du Soleil. L'album s'appelle Love, deux fois une chanson dans la saga des Fab Four. Tout à l'heure, Get Back, et à l'instant, Come Together, mixé avec Dear Prudence, mixé avec Cry Baby Cry. Et le final de la chanson est mélangé avec Dear Prudence. Ce final s'enchaîne avec le très court morceau Can You Take Me Back, placé à la fin de Cry Baby Cry, et auquel sont rajoutées en fond les cordes d'Eleanor Rigby. Fallait vraiment avoir décidé pour faire ça. Ça donne quelque chose de neuf. On dirait que ça a été enregistré en 2006, justement, et non pas dans les années 60. C'est dingue. Oh, celle-là. Don't let me wait too long. George Harrison sur RIG.

serviceable villain. You pierced to the bicep of my mistress, stabbed her three times. Ce qui m'étonne toujours des années après, c'est que c'est cette chanson-là, bon, qui est un chef-d'œuvre, c'est évident. D'abord, il a fallu que George Martin arrive à comprendre là où John voulait en venir, parce que rajouter des couches de voix comme ça, il faut le faire, il faut en avoir l'idée. Mais en plus, c'est que au début de l'année 68 qu'ils ont commencé à enregistrer sur des vrais multipistes, enfin des multipistes qui nous font rire maintenant, puisque maintenant, on peut avoir des milliers de pistes s'il y a besoin, puisque c'est en numérique, on peut en rajouter autant de couches qu'on veut. Mais auparavant, ils enregistraient, ils prenaient tout ce qu'ils avaient enregistré sur, admettons, 4 pistes, ils le remettaient sur une seule piste pour avoir 3 pistes de libre, pour pouvoir rajouter une autre couche de ceci et de cela. Il fallait pas se tromper, les amis, il fallait pas se tromper. Mais à ce niveau-là, les 4 Beatles étaient très forts, George Martin était très fort, les ingénieurs du son qui se sont succédés, j'ai un petit rhume, et bien, ils se sont très très bien débrouillés. Bref, il y avait les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Et ça, tant mieux. Vous êtes bien sur RIG, il est l'heure de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est McCartney 2, sorti en 1980. Et après avoir écouté Coming Up et Nobody Knows, je vous propose d'écouter une des perles de l'album. C'est Waterfalls sur RIG. Don't go jumping waterfalls. Please keep to the lake. People who jump waterfalls sometimes can make. Take you for a ride, and I need love, yeah, I need 1971 sur l'album Imagine It's So Hard. C'est un blues écrasant, un boogie blues même, du genre de ceux que les vrais groupes de rock adoraient à l'époque. Il a le mordant de roues de camion dans le gravier, j'aime bien l'image, et est illustré d'une superbe partie de saxophone. Il ne s'agit pas vraiment d'une chanson à message et le texte se limite à des considérations sur les exigences quotidiennes de la vie, de l'amour et du travail. Lennon n'était pas du genre à se faciliter la vie, bien au contraire, mais il se réservait le droit de s'en plaindre haut et fort à chaque fois que cela dépassait les bornes. De toute façon, It's So Hard est plus une fanfaronnade éclatante qu'une plainte déchirante, et sa rythmique rêche est relevée de façon magique par les cordes ajoutées par Spector, Phil de son prénom, oui, qui danse dans la lumière dans le style oriental hollywoodien que Lennon et Spector aimaient tant. Après avoir connu une gloire immense, Spector a été depuis quelques années un peu au creux de la vague. Il sera encore plus après. Et il semble se délecter de l'espace que lui donne ce nouvel album. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-là, qui n'est pas la plus intéressante de l'album Imagine, mais qui n'est pas mal quand même. Voici l'album blanc, par deux fois sur RIG. Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon.

un instant un instrumental sur RIG de 1974, Harris on Tour Express, sur l'album Dark Horse, par George Harrison donc. Et auparavant, j'ai voulu faire une petite contribution gentille à maman, alias Yoko Ono. Vous savez que je n'en parle pas très souvent. Elle a eu 90 ans il n'y a pas très très longtemps. Et je sais même plus quand, parce que je ne m'y intéresse pas, mais je sais que c'était il n'y a pas longtemps. Et donc, dans cette chanson qui n'est pas la meilleure de l'album blanc, The Continuing Story of Bungalow Bill, on entend sa voix. Elle pourrit suffisamment la chanson pour qu'on n'aille pas plus loin dans l'explication. On revient, puisque c'est la saga des Fab Four numéro 552 et que l'album de la semaine est l'album McCartney 2, sorti en 1980. On revient à l'album de la semaine et cette chanson, Summer Days Song, sur RIG. Avec un petit peu d'avance, d'aborder le, vous savez, le, la cover, la chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou après en carrière séparée. Et même si eux, John, Paul, Ringo ou George, chantaient eux-mêmes avec les Beatles ou sans, des chansons déjà dont ils faisaient eux-mêmes la reprise de quelqu'un, genre de Chuck Berry, de qui vous voulez, même Harrison qui a fait d'autres reprises plus tard dans sa carrière solo. Bref. La cover de la saga des Fab Four, c'est une chanson qu'un artiste connu reprend, ou pas. Ça peut être vous également qui reprenez une chanson, vous me l'envoyez, et si elle est largement écoutable, je la passe dans la saga des Fab Four. Bref, aujourd'hui, nous allons écouter extrait d'un album de 2012, qui s'appelle The Golden Age of Song, Monsieur Jules Holland avec tout son orchestre, et cette chanson Accentuate the Positive sur RIG. And eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In Between. You got to spread joy up to the maximum and bring gloom down to the minimum and have faith. All pandemonium's liable to walk up on the scene to illustrate. Mark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said you got to accentuate the positive and illuminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In Between. And eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In Between. Don't mess with Mr. In Between. Je n'ai pas la vidéo, mais je pense que c'est Jules Holland qui est au piano. Quant à la chanteuse, elle s'appelle Rumer, R-U-M-E-R. Je ne connais pas, je ne sais absolument pas qui c'est. En tout cas, ça a de la gueule, hein. C'est vraiment très très bon. Et j'aurais bien aimé voir ce que Frank Sinatra aurait pu faire de cette chanson. Je ne pense pas qu'il l'ait chantée, bien que, on ne sait jamais. Si vous le savez, bien dites-le moi. La 18e chanson de la saga des Fab Four est axée, vous savez, sur les fils d'eux ressemblant à quelque chose comme ça. Bref, les à côté des Beatles. Là, c'est un à côté pas loin, hein. Il est né en 1963. C'est Julian Lennon qui, en 1986, il me semble, je prends ma feuille, oui, sur le musical qui s'appelait Time, la bande originale du spectacle musical, Time, il chantait Because, mais pas le Because de Abbey Road, son Because à lui. It's right that I should care about you. it's wrong to say, but don't think of you. Cause when you say these things, you know it makes me blue. Give me one kiss and I'll be happy. Just to be with you. Give me a chance to be near you. Because I love you. Is Boogaloo. Hey! stars qui réussissait l'exploit en 1973, trois ans après la séparation, de réunir les trois copains, George, John et Paul. Pas tous en même temps, presque d'ailleurs, mais les trois copains quand même. Ça a été le plus proche d'une réunion des quatre Beatles sur un seul disque. Oui, on peut dire même que ça a été fait, puisqu'ils sont pas, ils n'ont pas été ensemble, mais ils étaient là. Bref, I'm the Greatest, la chanson écrite par John Lennon pour son pote Ringo Starr. Et commentaire de John Lennon, j'aime beaucoup. Oui, cette chanson-là, effectivement, je l'ai donnée à Ringo, parce que si jamais je dis « je suis le meilleur », moi, John Lennon, on va dire que je suis, je me prends pour un mec qui se pète un peu les chevilles. Alors que si c'est Ringo Starr, on va trouver ça marrant. Dont acte. All right, boys. This is it. Over the hill. Que le coup de main de Paul McCartney pour arriver à faire une vraiment bonne chanson. Là, c'est une chanson pas mal, mais bouf, pas extraordinaire. Celle-là, c'est extrait de l'album de la semaine, Boogie Music, un amusement de Paul McCartney, en 1980. Everybody boogie, I dig that boogie beat. I'm in that boogie rhythm, it smells so good, so sweet, sweet. Everybody boogie, boogie on the streets. I will have boogie music, a life for the sweet to sweet. Without boogie music, a life for the sweet to sweet. Everybody boogie, I dig that boogie. I learned the boogie songs. Without boogie music, life feels like sing to me. Without boogie music, life feels like sing to me. Without boogie music, life feels like sing to me. You got it, you got it. Boogie music, boogie music, boogie music. Thank you. Excellent George Harrison de 1975 sur l'album Extra Texture, Read All About It, Tired of Midnight Blue. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four pendant encore un peu moins d'une demi-heure. Dans un peu plus d'une demi-heure ou un peu moins, quelque chose comme ça, vous retrouverez Eric et sa superbe émission Johnny de A à Z. Mais pour l'instant, on va quasiment plus arrêter parce qu'il faut essayer d'en passer un maximum. Revenons en 1969 sur RIG. Quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. In school again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when

L'album de la semaine, c'est McCartney 2, sorti en 1980. Et voici One of These Days sur RIG. One of these days, when my feet are on the ground, I'm gonna look around and see what's right, see what's there. The day. 40 ans entre les deux albums, entre McCartney 2, sorti en 1980, et McCartney 3, sorti en 2020. Et cette chanson, Seize the Day, avec un petit accent beatlesque, je trouve, dans... Je le prends un peu plus bas parce que j'ai mal à la gorge. Et je trouve que c'est plutôt bien. Encore un John Lennon et... de Ringo Starr pour terminer l'émission. This is a story about your friend of mine. Who is it? Who is it? There you stand with your LA tan and your New York walk and your New York talk.

va pas écouter What's My Name en entier, parce que sinon on sera franchement pas à l'heure. Donc on se dépêche. Mais ça c'est pour mettre dans l'ambiance, Eric. Passerai la prochaine fois cette chanson. Merci à toutes et à tous. Et dans une poignée de secondes, mais vraiment une poignée de secondes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Merci, à bientôt, au revoir.